Bonjour à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce 13 décembre. Et en voici les grandes articulations. Le président burundais met en garde toute personne qui a l'intention de torpiller le processus de référendum de la Constitution. Ah, c'était hier, lors du lancement des activités de ce référendum en commune Bugendana de la province Gitega. Nous y reviendrons dans ce journal. Du côté du parti Sawanya Frodebu, l'on ne soutient pas le référendum de la Constitution du Burundi. Et dans les organisations de la société civile, OKAPES Plus et PISC Burundi, ils indiquent que le projet de la révision de la Constitution de la République du Burundi émane de la volonté du peuple et personne n'a le droit de contrarier un peuple souverain, indiquent ces organisations. Les charges du budget général de l'État exercice 2018 s'élèvent à 1388 milliards de francs burundais contre 1224 milliards de ressources totales. Vous l'entendrez également dans ce journal en page santé. Une équipe de 15 médecins chinois est en train de soigner des patients à l'hôpital du cinquantenaire de Karusi. C'est au centre du Burundi depuis lundi de cette semaine. Vous aurez également les détails dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaisenga et Eli Kadogo. Bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page politique pour débuter ce journal. Lancement hier en commune Bugendana des activités du référendum de la Constitution. Eh bien, le président burundais a mis en garde toute personne ayant l'intention de torpiller le processus d'amendement de la Constitution. Le numéro 1 burundais appelle les responsables de toutes les institutions du pays d'être vigilants et dénoncer tous ceux qui répandent des rumeurs. C'était justement hier lors du lancement officiel du processus de référendum constitutionnel. Suivez-le. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui tenteraient de bloquer ce programme, aussi bien en acte qu'en parole. Ce sera ici la ligne rouge. C'est pourquoi nous demandons avec insistance aux administratifs dans tous les secteurs de la vie de notre pays d'être caractérisés par l'unité et la bravoure en dénonçant les fauteurs de troubles qui propagent des rumeurs dans le pays, ainsi que ceux caractérisés par des idéologies contraires à l'unité et à la gouvernance démocratique. Cela signifie que tout administratif au niveau de la colline, du quartier ou de la commune ou des conseils communaux qui feront sourde oreille seront redevables devant leurs supérieurs. On ne se le cache pas, ce sont des représentants du président de la République sur ces collines, dans ces quartiers et ailleurs. Ils ont eu des engagements devant le peuple quand ils ont été élus. Voilà pourquoi ils doivent être des modèles pour bien éradiquer toutes sortes de divisions à caractère ethnique, régional, politique et d'autres mots similaires qui ont eu lieu dans notre pays. Le numéro 1 burundais, Pierre Nkurunziza, traduit en français par Léonce Bitariho. Eh bien, le président de la République du Burundi explique que le référendum de la Constitution résulte des recommandations issues des ateliers à l'endroit des partis politiques organisés par le ministère de l'Intérieur et l'institution de l'Ombudsman à Kayanza et à Bujumbura. Il indique que les souhaits des leaders religieux et responsables des organisations de la société civile, ainsi que le rapport de la CNDI sur le dialogue interne, ont également été les principales raisons qui ont motivé le processus de révision de la Constitution, selon toujours le président burundais, que je vous prie de suivre, encore une fois traduit en français par Didier Nyonzima. Compte tenu de la feuille de route signée entre les partis politiques agréés au Burundi en 2013 à Kayanza, considérant les recommandations des deux chambres du Parlement, des représentants des confessions religieuses avec les responsables des organisations de la société civile en 2014, à propos de ce qui devrait être changé après les élections de 2015, Nous avons signé un décret présidentiel mettant en place la Commission nationale du dialogue interne. Également, les leaders des partis politiques, lors des ateliers organisés par le ministère de l'Intérieur le 21 avril 2017 à Gitega et le 20 juin 2017 à Bujumbura, ainsi que lors de l'atelier organisé par l'Ombudsman burundais le 22 juin 2017 à Kayanza, ils ont émis un souhait que la constitution du Burundi soit révisée dans les meilleurs délais. Alors, après le tour de tout le pays et après avoir écouté toutes les institutions de la République, la CNDI a soumis son rapport au gouvernement. Parmi les solutions proposées aux différents problèmes auxquels fait face le pays le plus souvent, il a été évident que la population burundaise a manifesté la volonté de vouloir que la constitution burundaise soit amendée et revue, surtout que certaines de ses dispositions sont obsolètes. Et d'ailleurs, l'intégration du Burundi dans l'EAC nécessite l'harmonisation des constitutions des pays membres de cette communauté. Parlant toujours de ce référendum, le parti Frodebout ne soutient pas. Léon Sangendakoumana, vice-président de ce parti, dit que le parti Frodebout n'a pas été consulté, que même des articles amendés ne sont pas jusqu'ici connus. Il affirme que toutes les dispositions de la Constitution du Burundi sont d'actualité. Je vous prie de le suivre. Il a été joint au téléphone par Gertrude Maounayo. La Constitution de la République du Burundi, qui est issue de l'accord d'Arusha, est un pacte pour les Burundais, est un pacte social, un pacte de cohabitation, un pacte de renforcement de la paix et de la démocratie dans ce pays, un pacte de renforcement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais. Nous avons eu cet accord et cette constitution qui en est ici, après de longues et dures négociations, pour mettre un terme à un conflit qui était vieux d'une trentaine d'années. Donc, depuis 2014, nous nous sommes opposés à l'amendement de cette constitution dans le sens de permettre au président de la République de violer certaines de ses dispositions qui interdit à qui que ce soit de briguer plus de deux mandats. Ça, c'est très clair. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on cache que ça ne se passe pas dans la transparence. Nous resterons opposés à un projet d'amendement de la constitution qui reste jusqu'à aujourd'hui caché et qui remet en cause les acquis de l'accord d'Arusha et qui risque de nous replonger encore une fois dans des situations identiques à celles que nous avons vécues il y a une trentaine d'années. Mais le président de la République a précisé que les partis politiques ont été consultés et que vous êtes d'accord avec l'amendement de la Constitution. Le seul parti politique au Burundi que j'ai entendu qui parlait d'avoir été consulté, c'est le parti Frodebout Nyakuri et le parti Iprona, dirigé par M. Gachatsi. Donc, si deux partis politiques suffisent d'être consultés pour dire que les politiques ont été consultés, alors nous sommes à côté de la démocratie. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'il y a certains articles de la Constitution qui ne sont plus à jour? Aucun article, aucune disposition de la Constitution n'est actuellement tombée en désuétude. Ils sont tous d'actualité. Et si la population vote ce référendum, qu'est-ce que vous envisagez au sein du parti Frodebout? La population n'a pas d'autre choix. Parce que si on utilise un forcing comme ça, vous comprenez que la population ne peut pas dire non. Mais je vous dis, ils verront qu'ils se sont trompés dans la suite. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, parlant encore de ce référendum, eh bien, le projet de révision de la Constitution de la République du Burundi émane de la volonté du peuple et personne n'a le droit de contrarier un peuple souverain d'une nation, disent les associations CAPES Plus et PISC Burundi. C'était ce mercredi lors d'une conférence de presse à suivre venant Hamza Buriku qui est de CAPES Plus. La révision de la présente constitution de la République émane de la volonté du peuple par son expression à travers les séances de la Commission nationale de dialogue inter-Burundi, interne et externe de CNDI, et même des demandes incessantes des politiciens depuis des années, sans oublier la conformité de notre constitution aux lois réglementaires légissant la communauté de l'EAC dont le Burundi est membre. Cela étant, le Burundi étant indépendant et souverain, et dirigée par des institutions démocratiquement élues, reconnues par toute la communauté internationale, y compris la communauté de l'East African Community, IAC, ainsi que la facilitation sur le dialogue externe inter-Burundi qu'elle a mise en place. Personne n'a le droit ni le pouvoir de contrarier un peuple souverain d'une nation ou passer outre les règles et les conventions régissant son principe universel. Eh bien, nous vous informons que les activités de référendum de la Constitution se déroulent aujourd'hui en province Rutana et demain et se dérouleront en province Gitega. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons ce journal. L'ordonnance portant contribution aux élections n'a pas tenu compte des réalités socio-économiques du moment. Selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il sera difficile pour les personnes ayant contracté des dettes auprès des banques, lui-même inclus, de s'acquitter de ses contributions. Agathon Rwasa, qui est aussi président de la coalition Amizero Abarundi, voit également une double imposition du moment que la population paye régulièrement des impôts et taxes. Je vous prie de le suivre. Je dois dire que c'est une ordonnance qui est contraire aux aspirations de la population burundaise. C'est comme si on était aux antipodes. L'état des salaires au Burundi, tout le monde connaît. Les impôts augmentent, les taxes sur les produits augmentent et la source de revenus, ce sont les maigres salaires. Je me demande si réellement ils sont conséquents avec ce qu'ils font. Parce que nous payons l'impôt sur le revenu et notre revenu, c'est le salaire. Nous avons contracté des crédits auprès des institutions financières et nous payons à partir de nos salaires. L'État vient d'augmenter le prix du carburant, le prix de l'électricité, le prix de l'eau, mais les salaires n'ont pas augmenté. Alors, où est-ce qu'ils veulent qu'on trouve cet argent? Comment est-ce qu'ils veulent que les Burundais vivent? En tout cas, pas décemment. Parce que si vous devez payer le loyer, si vous devez payer le transport, si vous devez vous nourrir, si vous devez vous vêtir, si vous devez payer les factures d'eau et d'électricité, est-ce que les salaires de misère que touchent les Burundais, ça peut permettre une quelconque épargne pour qu'on contribue à ces élections? Et puis, le projet de loi budgétaire, pour l'année 2017, il était prévu 6 milliards pour provisionner le compte des élections de 2020. Pour 2018, c'est projeté 12 milliards. Maintenant même, il y a une question qui se pose. Quel sera le coût de ces élections? Parce que tant que l'on ne connaît même pas le montant, c'est aberrant que de collecter de l'argent. Ne serait-ce pas une porte grandement ouverte pour ceux qui peuvent détourner de l'argent? Page économie de ce journal et les charges du budget général de l'État exercice 2018 s'élèvent à 1388,1 milliards de francs burundais contre 1224,1 milliards de ressources totales. Le gouvernement burundais prévoit déjà des mesures pour le financement de ce déficit budgétaire de 164 milliards de francs burundais. Cela contient dans le projet de loi des finances exercice 2018 sous analyse ce mercredi à la Chambre basse du Parlement burundais où nous avons envoyé Joseph Nsabiabandi. Ce budget qui s'élève à 1388 milliards est affecté à quatre secteurs. Le premier secteur concerne le recrutement. Le ministère de l'Éducation prévoit de recruter 1000 enseignants, ce qui aura un impact budgétaire de près de 3 milliards. Il est également prévu de recruter 171 personnes, dont 30 médecins au ministère de la Santé, avec un coût de moins d'un milliard. Le deuxième secteur d'affectation du budget concerne les dépenses courantes hors exonération. 850 milliards sont affectés à ce secteur. Près de 410 milliards de ce montant sera utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires. L'avant-dernier secteur est celui des dépenses d'investissement. Ces dernières s'élèvent à près de 520 milliards. L'énergie et les mines se taillent la part du lion avec près de 172 milliards qui seront utilisés pour financer la construction, entre autres, de trois centrales hydroélectriques qui fourniront plus de 130 mégawatts. Le dernier secteur concerne les infrastructures de l'État. 18 milliards sont prévus pour la poursuite des activités de construction du palais présidentiel. Il est également prévu un peu plus de 6 milliards pour la construction de la route Makebuko-Ruyigi. L'étude de cette loi des finances exercice 2018 est toujours en cours à Kigobe. Joseph Sabiabandi depuis l'hémicycle de Kigobe pour le compte de la radio Isanganiro. Page gouvernance de ce journal, certains conducteurs de taxi-vélo disent être surpris des brutalités par le fait des gens à charger de la sécurité au sein de leur association Sotavebou. Ils leur exigent d'acheter des plaques alors que cela avait été suspendu par des autorités compétentes. Ces conducteurs demandent d'être avertis au cas où certaines règles changent et demandent encore d'avoir un délai pour s'y conformer. Page justice. Audience publique ce mercredi au tribunal de grande instance de Mukasa assure le dossier des 18 militaires et policiers arrêtés après l'attaque des camps militaires de la mairie de Bujumbura mi-décembre 2015 et sont accusés de détention illégale d'armes, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de participation aux bandes armées. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. En page sport, 24 cyclistes ont participé ce mercredi dans la course à vélo organisée par la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. La course a débuté en sa troisième journée en commune Nyanzalak vers Bukirasazi en province Gitega. Evariste Nzekobanyang a suivi ce tour pour le compte de la radio Isanganiro. Evariste, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5, Mireille. Oui, dites-nous, où en est-on avec ce tour à vélo? Oui, pour le moment, nous sommes en commune Bukirasazi, dans la province de Gitega, où les cyclistes qui sont entrés en compétition depuis la matinée de ce mercredi, doivent arriver à une distance de 101 km. Je dirais que pour le moment, on enregistre déjà 9 arrivées, dont le premier a été le Kenyan, le premier côté burundais, il a été 5e. C'est une course qui a été difficile, et surtout à ceux-là qui ne sont pas habitués à grimper les hautes montagnes, comme l'a indiqué le coach de l'équipe nationale des cyclistes burundais, Faustin Denzako, qui dit être satisfait de la 5e place que le premier Burundais a décroché. Mais il lance un cri d'alarme, il demande au gouvernement de voir des voies et moyens pour aider les cyclistes et pour qu'ils puissent faire mieux comme ceux du Kenya, ceux de l'Ouganda qui se sont classés premiers. Et pour rappel, il n'y a pas des gagnants, des gagnantes. Il y a une fille, pareil, Evariste, qui fait du bien lors de cette course. Et oui, la tâche n'a pas été facile pour mademoiselle Adelphine Naïchakié. Je le disais le matin, elle a été blessée hier lors de l'échauffement arrivé à Nyanzalak, ce qui lui a paru difficile, mais elle a fait le mieux. Elle a su grimper au Konwe et arriver à Kayogoro, ça n'a pas marché. Donc la fille Adelphine a abandonné la course d'aujourd'hui, peut-être qu'elle pourra continuer demain vers Tchankouz. Merci Evariste, nous lui souhaitons prendre rétablissement. Eh bien, vous nous direz d'autres détails dans nos éditions de la soirée. Merci à vous Evariste. Merci beaucoup. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Jado, à Ndeye Senga. Je dis merci pour sa parfaite collaboration technique. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.